Daniel chapitre 7. La première année de Belsatsar, roi de Babylone, Daniel vit un songe, et étant dans son lit, il eut des visions en sa tête, puis il écrivit le songe, et il en dit le sommaire. Daniel donc parla, et dit, « Je regardais de nuit en ma vision, et voici, les quatre vents des cieux se levèrent avec impétuosité sur la grande mer. Puis quatre grandes bêtes montèrent de la mer, différentes l'une de l'autre. La première était comme un lion, et elle avait des ailes d'aigle, et je la regardais jusqu'à ce que les plumes de ses ailes furent arrachées, et qu'elle se fût levée de terre, et dressée sur ses pieds comme un homme, et il lui fut donné un cœur d'homme. Et voici une autre bête, qui fut la seconde, semblable à un ours, laquelle se tenait sur un côté, et avait trois crocs dans la gueule entre ses dents, et on lui disait ainsi, « Lève-toi, mange beaucoup de chair. » Après celle-là, je regardais, et voici une autre bête, semblable à un léopard, qui avait sur son dos quatre ailes d'oiseau, et cette bête avait quatre têtes, et la domination lui fut donnée. Après celle-là, je regardais dans les visions de la nuit, et voici la quatrième bête, qui était épouvantable, affreuse, et très forte, elle avait de grandes dents de fer, elle mangeait et brisait, et elle foulait à ses pieds ce qui restait, elle était différente de toutes les bêtes qui avaient été avant elle, et avait 10 cornes. Je considérais ses cornes, et voici, une autre petite corne montait entre elles, et 3 des premières cornes furent arrachées par elle, et voici, il y avait en cette corne des yeux semblables aux yeux d'un homme, et une bouche qui disait de grandes choses. Je regardais jusqu'à ce que les trônes furent roulés, et que l'ancien des jours s'assit, son vêtement était blanc comme la neige, et les cheveux de sa tête étaient comme de la laine nette, son trône était des flammes de feu, et ses roues un feu ardent. Un fleuve de feu sortait et se répandait de devant lui, 1000 milliers le servaient, et 10 000 millions assistaient devant lui. Le jugement se tint, et les livres furent ouverts. Et je regardais à cause de la voix des grandes paroles que cette corne proférait, je regardais donc jusqu'à ce que la bête fût tuée, et que son corps fût détruit et donné pour être brûlé au feu. La domination fut aussi ôtée aux autres bêtes, quoiqu'une longue vie leur eût été donnée jusqu'à un temps et un temps. Je regardais encore dans les visions de la nuit, et voici, comme le Fils de l'homme, qui venait avec les nuées des cieux, et il vint jusqu'à l'ancien des jours, et se tint devant lui. Et il lui donna la seigneurie, et l'honneur, et le règne, et tous les peuples, les nations, et les langues le serviront, sa domination est une domination éternelle qui ne passera point, et son règne ne sera point dissipé. Alors l'esprit me défaillit dans mon corps, à moi, Daniel, et les visions de ma tête me troublèrent. Je m'approchai de l'un des assistants, et lui demandai la vérité de toutes ces choses, et il me parla, et me donna l'interprétation de ces choses, en disant, « Ces quatre grandes bêtes sont quatre rois, qui s'élèveront sur la terre. Et les saints du souverain recevront le royaume, et obtiendront le royaume jusqu'au siècle, et au siècle des siècles. » Alors je voulus savoir la vérité touchant la quatrième bête, qui était différente de toutes les autres, et fort terrible, de laquelle les dents étaient de fer, et les ongles d'airain, qui mangeait et brisait, et foulait à ses pieds ce qui restait. Et touchant les 10 cornes qui étaient en sa tête, et touchant l'autre corne qui montait, par le moyen de laquelle les 3 étaient tombés, et de ce que cette corne-là avait des yeux, et une bouche qui proférait de grandes choses, et de ce que son apparence était plus grande que celle de ses compagnes. J'avais regardé comment cette corne, faisait la guerre contre les saints, et les surmontait, jusqu'à ce que l'ancien des jours fût venu, et que le jugement fût donné au sein du souverain, et que le temps vint auquel les saints obtinssent le royaume. Il me parla donc ainsi, la quatrième bête sera un quatrième royaume sur la terre, lequel sera différent de tous les royaumes, et dévorera toute la terre, et la foulera et la brisera. Mais les 10 cornes sont 10 rois, qui s'élèveront de ce royaume, et un autre s'élèvera après eux, qui sera différent des premiers, et il abattra 3 rois. Il proférera des paroles contre le souverain, et détruira les saints du souverain, et pensera de pouvoir changer les temps et la loi, et les saints seront livrés en sa main jusqu'à un temps, et des temps, et une moitié de temps. Mais le jugement se tiendra, et on lui ôtera sa domination, en le détruisant et le faisant périr, jusqu'à en voir la fin. Afin que le règne, et la domination, et la grandeur des royaumes qui sont sous tous les cieux, soit donné au peuple des saints du souverain. Son royaume est un royaume éternel, et tous les empires lui seront assujettis, et lui obéiront. Jusqu'ici est la fin de cette parole-là. Quant à moi, Daniel, mes pensées me troublèrent fort, et mon bon visage fut changé en moi, toutefois je gardais cette parole dans mon cœur.